Directement du mois d'août 2003, bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la grandiose discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 22 au 28 août 2003. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Les Chiens, Vulgaires Machins, Watcha, Billy Talent, Rooney et Biff Naked. Donc ça va être une belle heure de nostalgie, on pourrait dire, pour les auditeurs de longue date et sinon des découvertes pour nos nouveaux fans. Au pluriel. Voilà. On commence l'émission avec le top 3 comme on le fait toujours. Du côté anglophone, on va entendre Rooney avec Blue Side sur leur album homonyme, mais on débute avec Watcha. Voici de leur album Veliki Circus, la pièce Cupid au 89.1 FM. C'était fou. C'était fou. C'est comme c'est fou rembobiné, genre. Mettons qu'on avait un slogan à trouver. C'était fou, c'est comme c'est fou rembobiné. numéro 3. Personnellement, je suis très heureux de réentendre cette pièce. C'était Blue Side de Rooney en troisième position anglophone pour la semaine du 22 au 28 août 2003 dans C'était fou, l'émission qui rembobine. C'est fou. Parlons un petit peu de Blue Side, hein, pourquoi pas. C'était sur leur deuxième album. Ils en ont fait deux. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Depuis, voilà. Deux depuis. Hein, dont un en 2010. C'est bien. Hein. Justement, du côté francophone, on a entendu Cupid de Watcha, groupe français Watcha, plutôt élevé, comme vous l'avez entendu. Alors, on est rendu aux deuxième position. Du côté anglophone, tout à l'heure, il va y avoir, et là, vous serez peut-être surpris de l'entendre, Billy Talent avec Try Honesty, pour vrai. Mais on débute avec, du côté franco, Les Chiens, voici Le Risque de l'Habitude. 89 FM, c'était fou! We'll be right back. numéro 2. Billy Talent et Try Honesty, en position numéro 2 anglophone, là, vous vous dites, mais Colin, c'est fou, c'est pas supposé être la radio alternative qui joue des choses autres que ce que les radios commerciales jouent. Bon point, tout à fait d'accord avec vous. Par contre, je dois vous dire que là, on est dans C'était fou, donc l'émission qui rembobine C'est fou, et cette semaine, c'est la semaine du 22 au 28 août 2003 qu'on a choisi. Et nous, à C'est fou, Billy Talent, on était les premiers à les faire jouer. Nous et une station de Québec, là, je vous laisse deviner laquelle, c'est vraiment au choix. C'est comme vous voulez, vous devinez vous-même. Bon, ça c'était du côté francophone, le numéro 2, les chiens avec le risque de l'habitude. Voilà, donc vous êtes assez fous, il nous reste les numéros 1 seulement à entendre. Du côté anglais, il va y avoir Biff Naked avec Rich and Filthy de l'album Essentially Naked. Mais on débute avec les vulgaires machins, voici Aimer le mal au 89.1 FM, c'était fou. rendu normal. Toutes ces obstacles m'en allaient une fois pour toutes. Prenez mon mal de tête, puis mes guenilles sales. Fait mal, mais pas. Beef Naked et Rich and Filthy, la première position du palmarès anglophone pour la semaine du 22 au 28 août 2003. Avant, c'était Vulgar Machin avec Aimer le mal du côté francophone. Pour Beef Naked, ben c'est ça, c'est bien, c'est très très bon, ça me rappelle bien les souvenirs. Numéro 1, francophone, on parle ici des Vulgar Machin, on me dit, j'ai entendu dire, que c'était leur album Aimer le mal, une grosse amélioration par rapport à leur premier album. Eh ben. C'est la fin de la première partie de C'était fou. On se retrouve au retour avec plein de bonnes choses. On va entendre des pièces des positions 4 à 10 franco et 4 à 15 anglophones. Il va y avoir des groupes comme Three Days Grace, Hot Action Cop, Alligator Trio et Antoine Graton. Alors restez avec nous, C'était fou au 89.1 FM. Bonjour, vous êtes toujours à l'émission C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Cette fois-ci, c'est la semaine du 22 au 28 août 2003. On a entendu le top 3 de cette semaine-là tout à l'heure. Maintenant, on va plonger dans le reste de nos deux top 10 et top 15 anglophones. Oui, à l'époque, c'était un top 10 franco et un top 15 anglo. On va entendre les sixièmes places de chaque côté. En anglophone, c'est Jane's Addiction avec Just Because. Oui, les Jane's Addiction. Mais on débute avec Alligator Trio. Voici Hier au soir. numéro 6. Jane's Addiction et Just Because en sixième position anglophone. C'était précisé de Alligator Trio avec Hier au soir en sixième francophone. Parlons de ses sixièmes places du côté franco. Alligator Trio, c'est un One Hit Wonder pas mal. Ici, j'utilise le mot hit dans One Hit Wonder de façon très, très relative. Hein? C'est relatif à C'est fou. Pour nous, c'était un succès. Donc, One Hit Wonder. Du côté anglophone, on parle encore une fois de Jane's Addiction. C'était leur dernier album, leur album de retour aussi. Donc, retour qui n'a pas duré très, très, très, très longtemps. Enfin, ils ont sorti quatre albums entre 87 et 2000. 2003, ça fait pas beaucoup d'albums à l'année, ça. Voilà pour les sixièmes positions. Maintenant, on va se rendre, pourquoi pas, aux huitièmes places. On va entendre Antoine Graton, un certain Antoine Graton, qui se retrouve deux fois dans les palmarès cette semaine. Donc, on va l'entendre aussi un petit peu plus tard dans l'émission avec Montréal Motel, mais on va débuter avec Jack. Ça sera suivi du côté anglophone par la formation Three Days Grace. Oui, encore une fois, les Three Days Grace, ceux que vous croyez, ceux-là, là, avec I Hate Everything About You. Mais pour l'instant, Antoine Graton et Jack. Jack, c'est un bon gars. Il se couchait tard. Jack, il aimait ça. Sortir pis rire pis on a eu un fun rare. Toujours un bon ami.

Les positions numéro 8 de chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Three Days Grace avec I Hate Everything About You. Et avant, en franco, c'était Antoine Graton avec Jack sur l'album Montréal Motel. Parlons un peu de Three Days Grace, groupe canadien. Un seul gros succès, là. On parle de pièce ici, pas l'album, mais un seul gros succès. Leur plus récent album remonte à 2009. Et c'est ici, évidemment, que ça a joué en premier, Three Days Grace. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça joue ailleurs. Mais ça a commencé par ici. Et c'est le but de la station, de faire découvrir des choses avant les autres, hein? Même si c'est pas tout qui devient populaire nécessairement. Vous êtes toujours à C'était fou, l'émission qui rend bobine, c'est fou. Et cette semaine, ben, c'est la semaine du 22 au 28 août 2003 qu'on a choisi. On va aller au 10e place du côté anglo. On va entendre The Dandy Warhols avec une excellente pièce. Je l'adore, We Used to Be Friends. Mais avant ça, j'en parlais plus tôt dans l'émission. Antoine Graton avec deux pièces dans cette semaine-là du 22 au 28 août 2003. Une vieille, hein, Jack, qui était là depuis 12 semaines à ce moment-là. Et là, il y avait une nouvelle entrée en même temps, hein, en 10e place. Voici donc Antoine Graton et Montréal Motel au 89.1 FM, c'était fou. On a passé des matinées au téléphone à annuler, parce qu'on était trop fatigué après avoir passé toute la soirée à boire du Jack et à se raconter niaiseries inventées. Mais là, merci pour tout. Take care, mon grand, y'a une autre bouteille qui m'attend. Sorry, old friend, but I got to go. J'm'entourne chez nous au bord de l'eau. I know Montréal Motel a tout ce qu'il faut. On a bien eu du fun tous les deux à oublier nos problèmes un peu comme deux niaiseux. Mais là demain faut se lever tôt, sans mettre tous nos problèmes sur le dos, recommencer à zéro. Merci pour tout. Take care, mon grand, y'a une autre. Sorry, old friend, but I got to go. J'm'en tourne chez nous au bord de l'eau. Going back home to a place I know. Montréal Motel a tout ce qu'il faut. Désolé, j'dois m'en aller, mais j'reviendrai. Maybe someday, going away. Wish I could stay, je m'en souviendrai. Tu te retrouves à Montréal. Peut-être bien qu'on sortira se faire du mal. Ah, peut-être qu'on s'en parle. Ben, peut-être qu'on s'en reverra plus jamais. Peut-être qu'on aura bien trop de succès. Chacun notre bord, c'est pas vrai, mon vieux. Merci pour tout. Take care, mon grand. Y'a une autre bouteille qui m'attend. Merci pour tout. Take care, mon grand. Y'a le reste de ma vie qui m'attend. Sorry, old friend, but I got to go. J'm'en tourne chez nous au bord de l'eau. Going back home to a place I know. Montréal Motel a tout ce qu'il faut. Montréal Motel a tout ce qu'il faut. Oh, Mountains of Wayne avec Stacey's Mom en quatrième position anglophone de la semaine du 22 au 28 août 2003. Avant ça, on a entendu les dixièmes positions. Du côté anglo, c'était de Danny Warhol avec We Used to Be Friends. Ça, c'était en fait leur plus récent album. Eux étaient en 2009. Et avant, on a entendu Antoine Graton avec Montréal Motel en dixième francophone. Voilà, pour c'était fou pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. Si vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je remercie comme toujours le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Moi, je m'appelle Mathieu Plante et je vous rappelle, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça l'est plus. Hein? On se quitte avec Hot Action Cop, demande spéciale de cette semaine-là, évidemment, du 22 au 28 août 2003. On va les entendre avec Don't Want Her to Stay. C'était en position numéro 5 sur leur album homonyme Hot Action Cop. Et à la prochaine fois. Bye bye. Helping me here, and this girl gotta go. I don't want her to stay.